À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les revues et les journaux de divers pays ont inséré des articles spéciaux. La revue de Hong Kong de Chine, Relations internationales du mois de juin, a fait une rédaction spéciale avec le portrait en sourire et les photos du président Kim Il-sung et les photos du maréchal Kim Jong-un. La revue a présenté aussi les photos de l'avenue des scientifiques Miret, du palais des sciences et techniques, de la crèche et du jardin d'enfants pour orphelins de Pyongyang. Le journal pakistanais Election Times a présenté un écrit pour exalter l'amour du président pour le peuple et la postérité.